Je veux vivre comme l'empereur Napoléon. J'aimerais que tous ces rappeurs de merde arrêtent de jouer de l'accordéon. Gros, je fume librement comme si je vivais dans l'état de l'Oregon. J'attends la floraison. Mais y'a des keufs qui veulent me soulever car j'ai la peau zébron. Je vous baisse mais je connais pas vos prénoms. J'ai élaboré un tas de projets sombres. Ici personne ne va au séjour. Je suis pas un justicier, je compte pas sauver le monde. J'attends impatiemment le jour de paix, je veux juste que la monnaie tombe. Bellec ici c'est malsain pour de vrais cousins. Il faut faire gaffe aux démons. Je remets ma veste. Je roule un pétard d'herbe dans le métaverse. J'oublie mes galères. Je sors le métal, je blesse. L'ennemi est à terre, du côté adverse. Y'a des éclats de verre. Tu veux mes caresses? Je vois que tu cherches à me plaire. J'évite les averses, les tâches ménagères. Les routes, je les traverse dans une mégane verte. Mec, tu m'exaspères, car tu exagères. Paris, baby, ouais, c'est léger, pas ouais. J'parle en classe business, j'roule en Merco Benz, c'est leur mère qu'on baisse. Paris, baby, ouais, c'est léger, pas ouais. J'parle en classe business, j'roule en Merco Benz, c'est leur mère qu'on baisse. Juste moi et ma bitch, elle est ma quiche. Ton ex était beau, mais pauvre ma chérie. Maintenant tu les préfères, moi j'suis riche. Sous mes sunglasses, y'a les yeux rouges et j'ai fumé du shit. On a gobé des pills et on a bu du champagne. Ma pute est sous tout, c'est de manière agressive. À l'autre, ma ceinture Gucci. Faire comme nous peut te coûter cher. Ça peut te coûter un bras, ça peut te coûter la vie. Malgré ce que tu vois, non, faut pas que tu m'envies. Tout ça, c'est que dalle, les vraies choses n'ont pas de prix. Ton mari dort, suce-moi sans faire de bruit. Ne tends pas la frappe à la femme d'autrui. C'est l'éléphant et l'aigle royal de Carthage à Beach en Tunis dans le trap house, yeah. Aquarium et les vapeurs lourdes. La voiture à Tiger Woods. Le valet s'habille, couleur noche, clocher. Battez nos têtes vont hocher. Tard la nuit, la faucheuse viendra faucher. Hoche, Gucci les mains dans les poches. Traverse la grotte dans la main, j'ai la torche. J'ai croisé la femme, avenue Foch. Avenue Foch. Les soldats viendront pour détrousser le fief. Y'a cette femelle, son rêve est d'épouser le chef. Tu veux toucher le verre ou toucher le beige. Tu veux soulever la terre ou toucher le ciel. Fly. Voiture noire roule dans Copacabana. Fais des sortilèges dans la cabane. À la casa, mon aura reste dans la cabine. La police près du four te piste. Du sirop velours, je pisse. Le corbeau se pose sur la tour de Pise, yeah. Mon katana aiguisé coupe le vide. Les cartes de la voyante parlent de l'avenir. Les oiseaux larmoyants voient l'orage à venir. Les oiseaux larmoyants voient l'orage à venir. On se cache dans les tours, filtré mango et je porte l'ensemble élevé. À la fin je récupère les gains comme une famille royale de lignée au sang élevé, yeah. Tu es venu pour l'or, pillard, love. Y'a mon nom dans leur prière. Le futur s'en va dans un corps, pillard. Tu es venu pour l'or, pillard, love. Y'a mon nom dans leur prière. Le futur s'en va dans un corps, pillard.